Come on. On s'excuse pas. Pardon, on s'excuse pas, c'est rock'n'roll. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, c'est rock'n'roll, on s'excuse pas. Mais c'était grand, t'as des cheveux, t'as des cheveux. Alors, les gars. C'est pas un problème. Il y a un âge et son T'inquiète, je m'occupe de tout. Je reviens à la De la planante. La planante. Thank you. beaucoup. On va vous jouer la dernière chanson.